nous pratiquons vipassana, satipatthana, la méditation satipatthana. Quel résultat obtenons-nous en pratiquant satipatthana? Les bénéfices de la pratique de satipatthana par l'entraînement de sila, la moralité, et par l'entraînement à la concentration, samadhi, et d'obtenir samadhi, la concentration, par cet entraînement-là, en observant la respiration, les mouvements de soulèvement et de l'abdomen, sans interruption. Comme résultat, nous obtenons la stabilité de l'esprit. Qu'est-ce que vous chantez? Qu'est-ce que vous récitez après le Dhamma Talk? Les trois premières lignes sont les bénéfices de la pratique de Satipatthana, si vous lisez en français. Il dit que si vous le lisez en français, c'est bien. Si vous le lisez en anglais, vous n'avez pas le Dhamma Talk. Qu'est-ce que nous devons observer? Nous devons observer, regardez donc, le Kaya. Kaya Nupassi, nous devons observer le corps. Vedana Nupassi, les sensations. Chitta Nupassi, l'esprit. Et Dhamma Nupassi, le Dhamma. Ce sont les quatre champs d'observation quand on pratique Satipatthana. Lorsque nous observons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, c'est ça, observer le corps dans Kaya Nupassi, que ce soit lorsqu'on se penche, quand on s'assied, quand on s'étire, quand on se met en position debout, position assise. Le premier, c'était donc l'observation du corps. Vedana Nupassi, c'est l'observation des sensations. Chitta Nupassi, c'est l'observation de l'esprit dans l'esprit. Lorsque nous observons, que nous pensons, que nous réfléchissons, que nous imaginons, quand nous sommes en colère, quand nous sommes tristes, tout cela c'est l'observation de l'esprit dans l'esprit. Dhamma Nupassi, c'est tout le reste. Lorsque nous voyons avec nos yeux, lorsque nous entendons avec nos oreilles, lorsque nous goûtons avec notre langue, lorsque nous sentons avec notre nez, lorsque nous touchons avec notre corps, c'est les observations des phénomènes que nous observons. C'est le Dhamma Nupassi. Pour pouvoir les observer, nous établissons la concentration, samadhi. Est-ce qu'il y a autre chose en dehors du verbe observer, de ces quatre choses? En pratiquant de cette façon, en observant, nous atteignons étape par étape les connaissances de vipassana jusqu'à atteindre la cessation de la souffrance, c'est-à-dire atteindre nibbana. Et si nous voulons obtenir ce bénéfice-là, qui est la cessation de la souffrance et atteindre nibbana, c'est le seul chemin pour y parvenir, pour parvenir à cette destination-là. C'est ekayano, le seul chemin. Quel que soit le professeur que vous ayez, quelle que soit son aide, c'est le seul chemin pour atteindre la destination. C'est ce que le Bouddha a dit. Si nous allons le long de ce chemin, qui est le seul chemin pour atteindre la pureté de l'esprit, nous obtenons cette purification de l'esprit en pratiquant par ce chemin. Est-ce qu'il y a encore le feu dans vos esprits? Est-ce qu'il y a dosa, la colère? Est-ce qu'il y a loba, l'avidité? Pour éteindre ce feu, c'est le seul chemin sûr. Il y a de la tristesse, il y a les larmes et les lamentations, et si vous voulez les surmonter, ceci est le seul chemin. Dukkha, c'est la souffrance physique, et Dhammanasa, c'est la détresse mentale. Et ceci est le seul chemin pour éliminer cela. S'il y a d'autres chemins pour surmonter tout cela, ils sont seulement temporaires. Les bénéfices de Satipatthana permettent d'éradiquer. Pour obtenir les connaissances, la sagesse, pour le développer, il ne s'agit pas de connaissances ordinaires. Il s'agit de connaissances non ordinaires, qui sont la connaissance du chemin et la connaissance du fruit. Pour atteindre Nibbana, pour atteindre la réalisation, pratiquer ce chemin qui est d'observer le corps, les sensations, l'esprit et les dhammas, les phénomènes, tous les autres phénomènes. Lorsque les yogis observent, arrivent à observer tous les objets qui apparaissent et disparaissent, lorsqu'ils font cette observation-là du soulèvement et de l'abaissement, il n'y a aucune avidité, il n'y a pas de loba, ni dosa, ni moha. Loba, dosa, moha voulant dire avidité, colère ou ignorance, illusion. En faisant ces observations-là, cela, c'est la purification de l'esprit que nous obtenons. En le faisant, en observant instant après instant, il n'y a pas de place pour le loba, dosa, moha, pour qu'il puisse être là en même temps que l'observation. Lorsque nous réfléchissons à un objet que nous aimons, alors loba apparaît, l'avidité ou le désir. Lorsque nous réfléchissons à quelque chose que nous n'aimons pas, dosa, la colère, apparaît. La tristesse et les lamentations, lorsque nous les observons, peuvent être surmontées. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la raison pour laquelle vous pleurez? Pourquoi pleurez-vous? Ça soulage. Elle dit qu'elle pleure parce que ça soulage. Pourquoi devez-vous le retenir? À cause de la société. Et la gnati, par exemple, c'est lorsque vos parents ou la parenté meurent. La deuxième forme de tristesse, c'est lorsque nous perdons quelque chose de matériel. La première forme, c'est lorsque nous perdons des êtres chers. Ce qui peut causer aussi une forme de tristesse, il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de grand. Ça peut être juste une chemise ou quelque chose que nous aimons, que nous perdons. L'autre forme de tristesse peut provenir d'une maladie ou lorsque nous ne sommes pas bien. Lorsque nous respectons Sila, lorsqu'une personne bonne le rompt, elle va se sentir mal à propos de son précepte qu'elle a rompu. Il y a peu de gens, cependant, qui se sentent mal de rompre la moralité. Très peu de gens connaissent les préceptes, ne serait-ce que les préceptes de ne pas tuer, ce qu'on a vu hier, insectes inclus, et donc ne respectent pas forcément les préceptes. Il y a très peu de gens. Quelle sorte de mentalité ou d'état d'esprit se passe lorsque nous pleurons? C'est connecté avec la colère. Du temps du Bouddha, il y a eu beaucoup de gens qui ont arrêté de pleurer parce qu'ils ont commencé à apprendre à observer. Et en observant, ils ne pleuraient plus. Et pendant cette retraite, pendant que les yogis méditent, est-ce qu'ils ressentent encore loba, dosa, moha? Mais les yogis savent maintenant quoi faire quand ils voient loba, dosa, moha apparaître dans leur esprit. Est-ce que vous savez, lorsque vous les observez, loba, dosa, moha, est-ce qu'ils continuent d'arriver, d'apparaître? Si vous pouvez vous concentrer dessus, porter toute votre attention dessus, ils n'apparaîtront plus. Lorsque nous les observons, nous ne leur permettons pas d'apparaître. Nous ne leur laissons pas l'opportunité d'apparaître. Et donc pas de tristesse ni de lamentation. Ils s'arrêtent momentanément pendant l'observation, mais pas définitivement. Si vous continuez d'observer de façon continue, la concentration s'améliorera. Et ça s'établira. Et pendant que la concentration devient de mieux en mieux, vous passerez du stade de cessation temporaire. Et quand la concentration s'améliore, la conscience aussi, et on enlève temporairement les kilesas. Est-ce que vous vous souviendrez lorsque vous rentrerez à la maison que lorsque vous rencontrez quelque chose de triste, de l'observer de cette façon? Lorsque vous observez les émotions de cette façon, instant après instant, de momentané, vous arriverez à terme à l'éradiquer, les kilesas, de façon permanente. Cela s'appelle la connaissance ou l'intelligence qui arrive dans la personne qui pratique de cette façon. Le Bouddha a dit que les larmes que nous versons pour nos parents ou notre famille ou pour les objets que nous perdons peuvent remplir un océan. Tant qu'il y aura le samsara, vous continuerez de pleurer. Vous continuerez de pleurer pour notre père, notre mère et la famille, encore et encore. Tant que vous vivez, vous pleurerez. C'est seulement en mourant qu'on ne pleure plus. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez peur de mourir? Cette peur aussi amène la tristesse. Si nous n'avons pas la force ou la volonté de faire les bonnes actions. Du temps du Bouddha, il y avait une femme qui s'est mariée à un homme contre la volonté de sa famille. Elle a eu 2 enfants, puis elle est allée voir sa famille avec ses 2 garçons. Il y a eu une grosse pluie, une inondation. Et donc, en traversant la rivière a emporté l'aîné. Et puis ensuite, un animal, pour se nourrir, a pris le 2e enfant. Donc les 2 enfants sont morts. Et son mari a voulu aussi les rejoindre. Il n'a pas vu un serpent qui l'a mordu et il est mort aussi, en chemin. Ensuite, elle était donc seule. Elle a voulu continuer pour aller voir ses parents. Et sur le chemin, elle demandait aux gens « Est-ce que vous connaissez mes parents ?» Elle demandait à propos de ses parents. Et là, c'est une parenthèse, ça arrive tellement souvent en Inde que les maisons s'effondrent. Donc elle a appris que la maison de ses parents s'est effondrée, tuant donc le père, la mère, les frères, sœurs. Et pensez-vous qu'elle ait pu rester sans pleurer en vivant tout cela? Que pensez-vous que quelqu'un sente? Elle n'avait pas encore la possibilité de surmonter ses chagrins et ses douleurs, parce qu'elle n'avait pas encore la connaissance. Donc une personne qui n'a aucune connaissance, qui n'a pas la connaissance pour surmonter cela, comment appelez-vous ce type de personne? Vous avez un peu de connaissance. Connaissance et attention. Nous savons tout ce que nous devons faire. Est-ce que vous êtes capable de noter? Même si nous ne sommes pas capables de noter tout le temps, nous avons cette connaissance que nous devons noter. Nous avons cette conscience. Alors que elle n'avait plus aucune capacité, elle est devenue folle. Elle n'avait aucune connaissance et elle a commencé à dire n'importe quoi. Donc elle avait perdu la tête et puis le Bouddha l'a appelée par son nom. Quand elle avait perdu la tête, elle avait tout enlevé, elle avait enlevé tous ses vêtements. Et quand elle a repris esprit, elle a réalisé qu'elle était nue. Et les gens, la foule, ont commencé à lui donner quelque chose pour se couvrir. Le Bouddha lui a enseigné le Dhamma, et elle a dit que même si elle avait eu des enfants, filles ou garçons, ils ne peuvent pas la protéger. Le Dhamma peut donner une protection pour ceux qui sont oppressés par la mort. Le plus que les parents ou les amis puissent faire quand nous souffrons, c'est de nous donner de la compassion. Parents ou amis peuvent juste être auprès de nous quand nous souffrons, mais ils ne peuvent pas donner protection. Le mieux que nous puissions faire lorsqu'ils meurent, c'est d'envoyer des fleurs. Donc il s'agissait de la protection contre la mort. Personne ne peut nous protéger de la protection contre la mort. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est de garder et de respecter Sila, la moralité. Donc c'est de garder notre moralité et au-dessus de cela, c'est de développer notre esprit. Le Bouddha a dit, suivez ce chemin, le chemin de Satipatthana, la fondation de l'attention, le noble octuple sentier, en observant tous les objets qui arrivent. Donc à la fin du chemin, vous atteindrez le village. Donc c'est le seul chemin. Donc c'est le chemin pour arriver à destination. Puissiez-vous l'atteindre, atteindre la destination, et vous ne pouvez que faire ce chemin vous-même. Personne ne peut vous aider, personne ne peut le faire à votre place, ni vos parents, ni vos amis. Pouvez-vous continuer de marcher sur ce chemin? Continuez de marcher, ne vous perdez pas en chemin, et continuez d'aller par vous-même. Le Bouddha a dit « Ekayano, c'est le seul chemin pour arriver à Nibbana. Puissiez-vous, chacun d'entre vous, marcher le long de ce chemin, et en marchant le long de ce chemin, vous atteindrez Nibbana. »